paix sociale. Un certain sentiment d'appréhension m'envahit lorsque je raccroche avec Amélie Lacroix. Je déteste avoir à investir dans des personnes. Le facteur humain introduit toujours une certaine marge d'erreur. C'est embêtant. Ce qui m'amène, ironiquement, à ce que je dois maintenant faire. Bill, résonne une voix modulée à l'intercom. Votre invité est arrivé. Je prends une seconde pour réfléchir. Ce sera pas facile. La salle d'interrogation de la Hope Sec est un chef-d'œuvre d'art moderne. Son charme réside précisément dans un mariage de technologie militaire et d'ergonomie corporative. Essentiellement, la pièce est divisée en deux sections par un mur de verre balistique. D'un côté, la salle de contrôle. Un éclairage halogène tamisé. Mur insonorisé, chaise de travail capitonnée, machine espresso. La console est à la fine pointe. Micro, moniteur, haut-parleur, commande d'interrogation au design sophistiqué. Ce qui est exceptionnel, c'est surtout la manière dont une multitude de technologies de coercition ont été intégrées avec fluidité dans le panneau d'administrateur. Autant de possibilités ingénieuses sous une légère pression de l'index. À partir d'ici, on peut travailler dans le confort et la sérénité. De l'autre côté de la vitre, c'est l'enfer. Les murs carrelés blancs sont éclaboussés de sang, le plancher de viscères et fluides corporels. Trois chaises de dentiste enlignées face au mur vitré. Les néons du plafond envoient un éclairage malade sur la chair mutilée et les loques humaines emprisonnées là. Une dizaine de caméras observent et enregistrent la scène alors que des micros directionnels captent chaque décibel de souffrance. Les données extirpées au bout des lèvres craquelées. « Excellent !» j'adresse à l'intercom. « Faites-la entrer !» Trois sujets. Deux d'entre eux déjà morts, des pustules suintant là où la peau a cuit. Ils servaient d'exemple au dernier, celui du centre, qui est dans les pommes depuis la dernière session. Le jeune homme a une multitude de tubes plantés dans les veines, des ventouses collées sur le torse, les tempes. Au menu, cocktail hallucinogène, solution d'adrénaline pour accentuer la sensation ou encore pour les traditionalistes. Des bras hydrauliques munis d'outils chirurgicaux. Scie, perceuse, lame, laser. Même si la meilleure partie du travail d'interrogation est accomplie par pharmacologie, les vieilles techniques gardent un certain... je ne sais quoi. La porte glisse sans bruit. « Bill? » souffle Lanchea nonchalamment. Elle pénètre dans la salle d'interrogation comme si c'était une soirée mondaine. Je remarque son tailleur noir aux angles aigus, ses escarpins, sa chemise de satin blanc, la façon dont le deuxième bouton tend délicatement le tissu. La scène d'horreur entre pleinement dans son champ de vision. Et c'est pas le dégoût qui envahit ses traits, ni même la peur. Mais une sorte de déception lorsqu'elle dépose finalement les yeux sur moi. « Quel suspense !» remarque-t-elle cyniquement. « Et moi qui croyais que nous allions discuter affaires. » Comme ça, sans plus. Je prends espoir, peut-être passera-t-elle le dernier test. « C'est un peu ça, » je rétorque. « Nous parlions d'obstacles l'autre jour. » Je souhaitais te présenter un des miens, un des nôtres. Important de l'inclure, d'insinuer qu'il y a d'autres enjeux sur la table. Lanchea acquiesce discrètement, me rejoint et s'assoit juste à côté de moi, croise les cuisses. Le parfum métallique m'ensorcelle aussitôt, la douceur impossible de la peau, là, si près. Je pointe le dernier sujet. Appelons-le Joachim. 19 ans, membre de l'organisation terroriste Le Mouvement du 9 août. Un anarchiste, dénote Lancia. Il a pas l'air dans son assiette. Interrogation par induction nerveuse. Très efficace. Bien sûr, il doit être envoyé pour rire dans un centre de détention top secret quelque part outre-mer. Mais pour l'instant, la OBSEC est en droit de procéder à l'interrogatoire préliminaire. Un moment fragile, celui-là. Des accidents arrivent si souvent. Son intérêt détaché a quelque chose de scientifique. J'adore. A-t-il parlé? Demande-t-elle sans quitter la loque inerte des yeux. Oui et non. J'admets sans cacher ma déception. Avec le temps, il a fini par cracher ce qu'il savait. C'était inévitable. Mais voilà le hic. Le M9A fonctionne par groupuscules autonomes, tu comprends? Comme des cellules de cancer. À part vouloir tuer le système, ces imbéciles voient pas deux pieds en avant. Ils savent bien peu. Franchement, c'est frustrant. Lancia acquiesce avant de se retourner vers moi. Son expression est différente cette fois-ci. Il y a un appétit, oui, un désir langoureux dans sa voix. Lorsque ses yeux cernés de noir plongent dans les miens, je dois me contenir pour pas fondre comme un marmot. Ce doit être difficile, avoue-t-elle doucement. D'être isolée comme ça, tout seul, sans pouvoir parler à une personne qui te ressemble? Elle poursuit, chaque syllabe enrobée de velours. C'est si triste de devoir rester à l'écart constamment, sachant bel et bien qu'il y a quelqu'un tout près qui te comprend. Eh merde. Allez, le test. Maintenant ou jamais. Lancia. Je commence abruptement. Tu vois ce bouton? Je pointe la console. Si le M9A est comme un cancer, il n'y a qu'un seul remède. L'extermination. On ampute, on coupe, on brûle. Ce que je veux, c'est la paix sociale. Saloperie. Ma voix commence à trembler. Ma vraie personnalité déborde à travers les cracks. Les masques tombent. C'est le moment de vérité. Je te demande de m'aider à mettre de l'ordre dans ce monde. À me rejoindre. C'est simple. Pèse sur le bouton, extermine cette vermine. Fais-le frire. Tout se joue dans cette seconde précise. Pas besoin d'être psychopathe pour peser sur le bouton. Le bougre est déjà presque mort. Mais l'épreuve réside ailleurs, dans l'espace de cet instant. Les signes qui peuvent pas mentir. Mais Lancia n'est pas surprise. Sous mes yeux ravis, elle se prête au jeu. D'une cruelle majesté, elle lève une main délicate juste au-dessus du bouton, la garde là, comme pour allonger le plaisir. Sans fléchir, elle détourne son regard. Médusée, je l'observe, la scrute, analyse sa respiration, la dilatation de ses pupilles. S'il y a une once d'empathie dans cette mer glaciale, c'est maintenant qu'elle va se trahir, briser la surface des eaux. Mais rien. Lorsque Lancia appuie finalement le bouton, une goutte de sueur perle sur mon front. J'enfonce les ongles dans mes cuisses. De l'autre côté du mur, l'anarchiste s'éveille, comme un possédé, se met à grouiller, hors de contrôle, fume, hurle à plein poumon et crame. Quoique nous entendons rien. Lancia me fait un clin d'œil, se lèche les lèvres. Alors? Murmure-t-elle. Allons-nous parler affaires?